ça fait deux semaines que tout le monde nous parle de ça, puis j'ai l'impression que personne prend le temps de nous l'expliquer, puis ça me fait chier. Ouais. Mike Duffy, OK, est un ancien journaliste. Moi, je me souviens, Mike Duffy, je l'écoutais à CTV quand j'étais jeune. C'est un analyste politique qui est devenu sénateur. C'est un journaliste ou un grand journaliste? C'est un commentateur. Un commentateur. C'est un commentateur. Compare-nous-les à quelqu'un, là. Jean Lapierre, c'est un genre de Jean Lapierre. Okay. C'est un peu ce genre-là. Je l'écoutais dimanche matin des émissions politiques à CTV quand j'étais jeune. Oui. Et là, le sénateur Duffy est pogné dans des histoires de remboursement d'allocation de logement auquel il avait pas droit, OK? OK. Il aurait crossé en tant que sénateur un peu là-dessus. Ouais, puis il y a quelques sénateurs qui crossent un peu le système sur leur lieu de résidence. Ils réclament des frais de déplacement alors que dans la réalité, ils habitent à Ottawa, OK? Oui. Et là, l'histoire, c'est que... puis ça, c'était déjà sorti, c'est que Duffy avait déjà reçu un chèque de 90 000 piastres du chef de cabinet de Stephen Harper, dénommé Nigel Wright, OK, mm-hmm. pour qu'il puisse rembourser ça. Okay? Oui. Fait que déjà là, le chef de cabinet d'Harper qui fait un chèque à Duffy pour le rembourser, c'est un peu spécial, OK? C'est un petit peu particulier quand même. Puis t'es rendu proche de Stephen Harper, veut pas, là. C'est ça. Puis l'autre, mais là, lui, Duffy, là, évidemment, le scandale éclate. Mais là, lui, il essaie d'impliquer le plus possible Harper et les conservateurs avec lui. Fait que là, hier, il a révélé qu'en plus du chèque de 90 000 piastres qu'il a reçu, il a aussi reçu 13 650 piastres du Parti conservateur. Mmh. Fait que c'est un cas classique de « vous voulez me couler, mais écœurant, je coulerai pas tout seul ». Vous allez couler avec moi, là. Okay. Je vais vous entraîner le plus possible dans ma descente et dans ma chute. C'est ça l'histoire de Mike Duffy. Puis là, parallèlement à ça, t'as Pamela Wallen, qui est une autre ancienne journaliste de CTV. Ouais. Qui est aussi un peu pognée dans des histoires de frais de logement, puis de déplacement, puis d'allocation. Fait que ça fait beaucoup jaser. Ça fait jaser ici, mais plus au Canada anglais, je pense. Ouais, mais on entend beaucoup parler, puis je voulais que tu nous... La presse, ce matin, regarde, vois-tu, c'est... c'est ceux qui aiment pas les conservateurs, ils trippent aussi actuellement. Puis je te dis pas que les conservateurs sont blancs comme neige là-dedans. Là. C'est pas ça que je te dis. C'est pourquoi je voulais que tu nous en parles. Ouais. C'est incroyable le nombre de parallèles qu'on peut tracer actuellement entre l'attitude du Parti conservateur au fédéral puis l'attitude des péquistes au gouvernement provincial. Moi, ça me fait capoter. Ouais. C'est pas des gens qui tirent du même bord, mais c'est des gens qui, lorsqu'ils étaient dans l'opposition... faisait la morale beaucoup. Ouais, c'est ça. Les grandes leçons de droiture à Saint-Saëns. Ouais, puis nous autres, les dépenses, on va être strict là-dessus, les dépenses publiques. Puis là, whoops, on dirait que des deux bords, dès qu'on se met à parler de dépenses, dès qu'on se met à parler de scandales puis d'affaires controversées, on se rend compte que c'est juste un gouvernement autre. Hein? C'est ça. Mais ça tripe beaucoup, là, dans certains médias là, qui sont bien, bien contents de voir les conservateurs éclaboussés par par ces histoires-là, tu sais, mais bref, c'est un peu ça qui ça qui se passe là. OK. Mais je trouve ça drôle, moi, quand des gens se crient des noms d'un bord puis de l'autre, puis on parle des deux solitudes, regardez à quel point le gouvernement conservateur de Stephen Harper et le gouvernement péquiste de Pauline Marois se ressentent. Ah, mais dans mais, leur mais, relation avec les médias, dans leur façon de faire de la politique, dans leur façon de défendre le croyant, il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux. Non, c'est ça. Puis la façon de contrôler l'information. Puis tu sais, non, c'est vrai. Mais ils sont tous comme ça. Par contre, tu sais, tous les partis politiques, t'as l'usure du pouvoir là-dedans. T'as, la politique, en l'essence même de la politique, c'est ça. Tu fais plaisir à tes amis, puis tu. C'est un peu, ça lève un peu le cœur, effectivement. 6h41 à Radio X. C'est ça que je voulais dire, c'est que tu sais l'histoire là du fédéral qui conteste en cours la validité de la loi là, au Québec sur le référendum de 50% plus 1 là. C'est pour ça qu'ils contestent ça là. Moi je pense que c'est ça, tu sais les conservateurs ont rouvert le débat sur un référendum sur la souveraineté pour essayer qu'on parle moins des histoires du Sénat là, mais ouais, c'est plus ou moins ça marche pas. Ça marche pas en tout. Live à radiox.com 670